parles à mon frérot, je suis comme tu. Les preuves sur le brin, bois à croire que je maudis. Tu dis tu parles mal, qu'est-ce que c'est de nos pieds. Viens, on fait la plainte, ça fait sourire comme tu. Tu me sens pour qui, tu fous sur mon booty. Je dors sur mon pédo, ma cadie, mon outil. Coutin, ça morti, ok, c'est forti. Pour bien que je mette le plein, le singe roule en roti. Je mets drôlier ma hache, ça rend si srotti. Que j'ai élevé pas, ils me font les gothis. On ne manque le bar, y'a pas d'en négoci. Bébé m'en veut pas, je déguste la vie aussi. Dans mes poésies, je ferai jamais la star, je suis trop ghettoïsé, ghettoïsé. J'suis arrivé nulle part, j'suis sorti du mur. J'suis jamais fait plus tard dans les locaux du maire. J'suis encore assez bâtard, il m'avait vu mort. J'me suis mis dans ma bulle, il faut que j'en aie marre. J'pourrais donner un Hummer ou un dernier Lamborghini. J'suis tombé amoureux de la gadie sans l'avoir pigné. J'suis avec ma Tokyo, posé dans le maquillot. J'suis resté moi-même, tu peux me croiser dans les restes ou la Clio. J'me vends pas briller, faisons partir loin crier. C'est du buzz, fais des soins, tu vas finir par trier. Pas de trahison, nous les traitons les haïssons. Ça chante, ça prête à pleurer que ça se retrouve dans des bailles sombres. Pour faire j'oublie tout, avancer la crise. Pas les choses m'attraquent, que sur mon adresse. Sans crasseur, je trace, avec moi le grand presse. Que tout soit s'agresse. Sur scène, j'mets le feu, comme le molotov. Une balle dans le corps, le single sur la top. Tu fais d'or, la bug, l'illicite dans la cape. Tu viens du hood, mais t'es que tu hot. Tu fais mes jeux dans l'ombre, le rap c'est dans l'âme, jamais le Stallone. Ma vie sur les gouttes, prends de moi ses gouttes. En plus, le temps c'est cool, et tu me dégoûtes. Plus j'm'en bats les couilles, couilles. Bah, bah, bah. Avec les sons du ghetto, les addicts et les tourmettes, la vie d'un...